sauvé, Dieu m'a sauvé, incarné comme un homme. Souffrant pluie et vent, caché du monde, nul ne le connaissait. Dieu jugea pour me sauver, châtia pour me purifier. Je souffris tant de douleurs, je vins haïr Dieu de tout mon cœur, profitant de sa bonté et de sa grâce. Sans le salut de Dieu, ma fin désolation, anéantissement sans grâce. Je veux le réconforter.